Le lendemain, à la nuit tombante, Jean Valjean frappait à la porte cochère de la maison Gillenormand. Ah, bien, s'écria Cosette. Marius me dit que c'est vous qui voulez que je vous reçoive ici. Oui, c'est moi. Vous avez voulu être madame, vous l'êtes? Pas pour vous, père. Ne m'appelez plus père. Comment? Appelez-moi monsieur Jean. Jean, si vous voulez. Puisque vous êtes madame Pontmercy, je puis bien être monsieur Jean. Je vous quitte, madame. On vous attend. Le jour suivant, à la même heure, Jean Valjean vint. Plusieurs semaines se passèrent ainsi. Un jour, il échappa à Cosette de lui dire « Père ». Il la reprit. « Dites, Jean. » « Ah, c'est vrai, » répondit-elle avec un éclat de rire. « Monsieur Jean. »« C'est bien, » dit-il. Et il se détourna pour qu'elle ne le vît pas essuyer ses yeux. Ce fut la dernière fois. À partir de cette dernière lueur, l'extinction complète se fit. Plus de familiarité, plus de bonjour avec un baiser, plus jamais ce mot si profondément doux, mon père. Une après-midi, Marius dit à Cosette, « Nous avons dit que nous irions revoir notre jardin de la rue Plumet. Allons-y, il ne faut pas être ingrat. » Le soir, à l'heure ordinaire, Jean Valjean vint, rue des Filles du Calvaire. « Madame est sortie avec monsieur. » Cosette ne rentra point. Il baissa la tête et s'en alla. Pendant les derniers mois du printemps et les premiers mois de l'été 1833, un vieillard, proprement vêtu de noir, sortait de la rue de l'Homme-Armé. Tous les jours, il sortait de chez lui à la même heure. Il entreprenait le même trajet, mais il ne l'achevait plus, et il le raccourcissait, sans cesse.